Article 5. Aucun État ne doit s'ingérer de force dans la Constitution ni dans le gouvernement d'un autre État. Qu'est-ce qui pourrait autoriser une pareille ingérence? Le scandale donné au sujet de quelque autre souverain? Mais l'exemple de l'anarchie peut au contraire les instruire du danger qu'on court à s'y exposer. D'ailleurs, le mauvais exemple qu'un être libre donne aux autres n'est nullement une lésion de leurs droits. Il en serait autrement d'une révolution qui diviserait un État en deux États différents, dont chacun aurait la prétention de dominer le tout. Comme il n'y a point alors de gouvernement régulier, ce n'est pas s'ingérer dans la constitution de cet État anarchique que de prêter du secours à l'un des partis. Mais tant que ces dissensions n'en sont pas venues à ce point, des puissances étrangères ne peuvent y prendre part sans léser les droits d'une nation indépendante, réduite à lutter contre des maux intérieurs. Ce serait là un scandale qui rendrait incertaine l'autonomie de tous les États.